Émile Reynaud, c'est un nom qui, quand on connaît l'histoire du cinéma d'animation, qui est connu, on va dire, on connaît le nom. Et finalement, c'est vrai que c'est peut-être un peu facile comme question, mais il vient d'où? C'est-à-dire que comment cette personne, finalement, se met à peindre son pellicule et comment il en arrive à cette idée de un peu pré-animation, je ne sais pas comment on pourrait l'appeler, mais en tout cas, c'est quoi le parcours d'Émile Reynaud avant d'en arriver là? Mais c'est bien parce que en général, dans les histoires du cinéma et du cinéma d'animation, Émile Reynaud, on a l'impression qu'il naît à partir de l'invention du praxinoscope en 1877, alors qu'il a déjà à ce moment-là un peu plus de 40 ans. Et donc il a effectivement toute une vie derrière lui. Il est professeur de mécanique, mécanique au sens scientifique, pas mécanique comme on peut l'entendre aujourd'hui pour les automobiles. Donc il est professeur de sciences au Puy-en-Velay et il donne des cours de sciences avec des projections lumineuses de lanternes magiques dans la salle du dôme au Puy-en-Velay. Cours qui est réservé d'abord aux élèves des écoles industrielles du Puy-en-Velay et qui est ouvert à la population du Puy, qui est offert par la municipalité et qui a un très gros succès pendant ces 3 ans. Très régulièrement. Donc, il donne d'abord des cours de sciences physiques, puis des sciences de cours natu sciences naturelles. Et petit à petit, il a cette envie de. Donc, lui, il vient de Paris, en fait, à l'origine. Il est né à Montreuil. Il a vécu son adolescence sur Paris. Et au décès de son père en 1865, il retourne au Puy-en-Velay, où se trouve le berceau familial. C'est là qu'il va donner ses cours de sciences. Mais il a sans doute envie de retourner sur la capitale, où il avait connaissance avec le milieu scientifique de l'époque, notamment l'abbé Moigneau, qui présentait aussi des cours qui faisait un enseignement pédagogique avec des projections de lanternes magiques, auxquelles Émile Reynaud assistait. Et donc. Il a cette idée du praxinoscope, il l'imagine, il envoie son dossier pour déposer son brevet, il monte à Paris pour rencontrer les fournisseurs, et finalement il arrête les cours de sciences et il va construire ses praxinoscopes à Paris. Le praxinoscope à la base est voulu pour ses cours dans un côté pédagogique ou déjà dans une idée de montrer ça à un public, même s'il l'avait déjà fait, donc plus large avec une petite histoire ou ce genre de choses. Alors, il y a une petite légende autour du praxinoscope qui, de mon point de vue, demande à être élargie, mais l'histoire raconte en fait la famille Reynaud, donc Émile Reynaud et sa mère, ont une bonne qui s'occupe de la maison et qui a un fils qui vient régulièrement chez les Reynaud. Et Émile Reynaud prend en charge cet enfant qui a 9-10 ans et lui donne les cours de sciences, vulgarise la science pour ce jeune enfant. Et à l'époque, il y a la revue scientifique qui s'appelle La Nature qui publie toutes les semaines les actualités scientifiques. Et il y a un article sur les jouets optiques qui est publié une semaine. Et il se sert de cet article pour construire un phénakistiscope à l'enfant. Donc le phénakistiscope, c'est une invention bien plus ancienne. C'est Joseph Plateau en 1832. Suite à ses recherches sur la persistance rétinienne, invente cet appareil-là pour démontrer ses recherches, expliquer ses recherches. Et le phénakistiscope tout de suite est diffusé comme jouet et a un très gros succès commercial aussi. Et développé en zootrope très rapidement. Donc le phénakistiscope, le zootrope, ce sont des jouets stroboscopiques qui fonctionnent sur une vision intermittente de stroboscopique de l'image. Donc Émile Reynaud construit un phénakistiscope pour cet enfant et c'est cet enfant qui s'appelait Pierre Tixier qui raconte ses souvenirs d'enfant et qui crée cette légende qu'Émile Reynaud a inventé le praxinoscope à partir du phénakistiscope. Voilà. Oui, donc c'est une seule personne, c'est pour ça que tu dis que ça devrait être un peu élargi. C'est une personne qui a 9 ans à l'époque où ça se passe et qui raconte ça 50 ans plus tard. Donc c'est un, certainement très très fort dans son souvenir, mais de mon point de vue, Émile Reynaud va s'inspirer aussi d'autres éléments. J'ai pas suffisamment de pistes, de preuves pour l'instant pour en développer plus. D'accord, donc ça sera dans un prochain épisode. Ouais, il y a au passage, petite parenthèse, un livre pourrait être envisagé ou. Oui, mais il manque, il y a beaucoup de recherches, il y a beaucoup de recherches à faire, donc il n'est pas encore planifié. D'accord. Même si c'est un projet intéressant. Donc il monte à Paris. Il monte à Paris, il s'installe au 58 de la rue Rodier, où il va installer à la fois son atelier pour construire les praxinoscopes, et il s'installe aussi sa famille, son appartement familial rue Rodier. Donc, implantation dans le 9e arrondissement, qui est important aujourd'hui par rapport à l'exposition qu'on propose. On a vraiment une rencontre très chaleureuse avec les gens de la mairie du 9e arrondissement pour cette exposition et pour ce 120e anniversaire. En fait, ça s'est fait en plusieurs fois. Donc, avec l'association des Amis d'Émile Reynaud, on poursuit nos recherches autour de l'inventeur. Et puis, on est allé, on a rencontré Juliette à l'AFCA parce qu'on souhaitait voir un petit peu le centre de ressources, ce qu'il y avait, quels étaient les documents disponibles au centre de ressources de l'AFCA. Et on a vu ces panneaux qui ont vraisemblablement été montés par Raymond Maillet à l'occasion de différentes expositions autour du pré-cinéma et d'Émile Reynaud. Et on s'est demandé comment on pouvait valoriser ces documents-là. Et on a rencontré, pris contact avec la mairie du 9e arrondissement, dans l'idée qu'ils nous prêteraient juste un petit endroit dans la mairie sympathique. Et puis en fait, ils nous ont mis à notre disposition les incroyables salons à Guadeloupe de la mairie du 9e arrondissement, qui sont des salons, des grands espaces. Donc la mairie du 9e arrondissement, c'est rue Drouot, ça a l'air de rien, il y a juste un portail. On rentre dans une cour très longue avec les salons au bout. Ils connaissaient Émile Reynaud, pourquoi ils... Non, ça a été... Ils connaissaient un petit peu Émile Reynaud, puisqu'il y a une plaque qui est posée au 58 de la rue Rodier pour célébrer, pour marquer le coup. Une plaque qui a été posée en 1892 pour le centenaire des... 1992, donc. 1892, voilà, c'est pour ça que je fonctionne un siècle en arrière. Donc 1992, et... donc cette plaque est installée, mais c'est vrai qu'ils étaient contents de pouvoir valoriser cette partie du patrimoine du 9e arrondissement. Il faut voir que le 9e arrondissement, par rapport à l'histoire du pré-cinéma, est vraiment important, puisque c'est là qu'on va accueillir le musée Grévin, qui accueille les pantomimes lumineuses. Il y a aussi le théâtre Robert Houdin de Méliès. Il y a aussi le théâtre du Chat Noir de Robert Salis. Ah oui. Donc il y a un ensemble de lieux comme ça, de spectacles importants à la fin du 19e. Alors comment ça se passe, cette fameuse première projection? C'est que Renaud va louer la salle, il doit payer, non? Non, c'est pas tout à fait comme ça. Alors déjà, en fait, donc son praxinoscope, il le vend de façon très très largement, il le D'accord. développe, et puis dès le brevet du praxinoscope 1877, il prévoit de développer la bande qui est sur 12 faces du praxinoscope à une bande plus longue, de longueur indéfinie. Et donc c'est le théâtre optique, le brevet est déposé en 1888, et le temps de construire et de peindre ces bandes de pantomime et de trouver le lieu. En fait, le théâtre optique, donc c'est plus un jouet optique, c'est déjà un objet très imposant. On peut aujourd'hui en voir des reconstitutions à la Cinémathèque française, au musée Grévin, d'exposer. Il y en a un au Citia à Annecy, un modèle réduit très intéressant avec un automate construit par Klaus Lorenz. Enfin, la reconstitution, c'est intéressant aussi. Il commence à préparer, puis donc cet appareil, le théâtre optique, il le destine à la vente. Il le propose aux forains pour qu'ils puissent faire, eux, les projections. Mais c'est vrai que c'est un appareil qui est assez complexe à mettre en place, à régler au niveau des optiques et à manipuler. Donc il ne parviendra pas à en vendre, et donc il fera lui-même les projections. La rencontre avec le musée Grévin, ils sont assez preneurs au départ de cette invention-là qui a un bon écho dans le milieu scientifique, puisqu'il y a sur la fin du 19e siècle une forte attente de cette projection d'images animées. Et le musée Grévin accueille très volontiers. Il ne loue pas vraiment la salle, en fait. Il a un fixe et il a une part des recettes. D'accord. Mais il a de fortes obligations, donc déjà au niveau des horaires, il a ses 6 heures par jour de projection, hein, tous les jours. D'accord. Et puis, il doit renouveler le programme tous les ans. Donc voilà, la première année, il va proposer 3 pantomimes, le pauvre Pierrot qui a été conservé, un bon boc et Clown et ses chiens, ces deux bandes-là qui ont disparu. Combien de temps faisait chaque projection? Puisque on dit dans certains livres voilà, qu'il pouvait en effet manipuler, qu'il manipulait évidemment lui-même et donc qu'il pouvait accélérer ou alors au contraire ralentir et qu'il jouait lui-même avec la durée. Donc est-ce qu'il y avait quand même une durée un peu obligatoire sur chacun des films ou non, ça pouvait très bien... Oui, ça pouvait changer, être variable et d'ailleurs ce qu'on trouve dans les textes c'est 12 à 15 minutes. Donc c'est pas une longueur fixe. Et aujourd'hui, quand on a fait en 2009 les projections lors de l'exposition Lanterne Magique et Film Peint à la Cinémathèque française, on avait donc une reproduction de la bande avec l'appareil du théâtre optique de la Cinémathèque française. Et on arrivait en projection, donc moi-même et Rodolphe Cobetto-Caravane qui faisait les projections avec moi, on arrivait à peu près à 5 minutes de projection. Et donc en fait, on se disait avec Rodolphe, on a vraiment du travail avant de trouver toutes les nuances que Émile Reynaud pouvait faire et pour atteindre ces 12 et 15 minutes de projection. Il y a un potentiel sur ces bandes qui n'ont pas encore été totalement exploré. Il y avait de la musique ou est-ce que c'était lui qui parlait, donc il parlait, c'est ça? Il n'y avait pas de boniment, c'est une pantomime. Donc comme le mime de l'époque, on imagine Gaspard de Bureau, enfin c'est plus ancien, mais c'est à peu près ça. Il y a le personnage de Pierrot, de Colombine, donc sans parole. Et par contre, avec une composition originale pour la projection de la pantomime, c'est Gaston Paulin qui compose pour chaque pantomime une partition. Et Gaston Paulin est un compositeur de pantomime scénique, donc qui a l'habitude de travailler avec des comédiens qui sont sur scène, qui font du mime sur scène. Alors, si elle faisait 12 minutes... 15 minutes, comment se travaillait la bande-son? C'est-à-dire qu'elle était faite en direct, elle était faite, comment ça se passait? Alors en fait, ce que j'ai pu retrouver sur le travail de Gaston Paulin, c'est que pour le mime, on va avoir un petit peu des thèmes en fonction des personnages, des thèmes musicaux, qu'on va faire une composition, on va installer des thèmes pour les personnages, pour les atmosphères, pour les situations, et puis on va jouer sur ces différents thèmes en fonction du jeu des acteurs ou là, pour Émile Reynaud, du jeu de la projection. Donc, ces trois films-là, qui sont présentés donc sur la première année, ça a du succès de suite ou Oui, ça fonctionne. Et comme très, tu disais, c'était tellement attendu. Enfin voilà, les séances étaient pleines à chaque fois. Oui. Non, ça fonctionne très très bien. Et contrairement à ce qu'on a l'habitude de dire, le cinématographe qui arrive ne va pas tout de suite... arrêter le spectacle des pantomimes. Il faut voir que les pantomimes, c'est en couleur, il y a un charme véritablement dans ces animations, et le cinématographe des premiers temps est encore noir et blanc, sautillant, la fascination du fait que ce soit des images réelles en cinéma, mais il y a quand même, les gens sont quand même attachés aux projections de Lanterne Magique et à la poésie de ces images-là. La légende comme quoi les frères Lumière auraient vu ce spectacle, c'est vrai. Les frères Lumière sont effectivement venus. Ce qu'on sait, c'est qu'ils sont venus aux ateliers même de la rue Rodier, voir le théâtre optique. D'accord. De la rue Rodier. Voilà. Ah oui, donc ils étaient vraiment au courant, enfin ils savaient. Ils sont vraiment intéressés à comment fonctionnait cet appareil. Ils vont même reprendre, je crois que c'est 1902, ils déposent un brevet pour un appareil avec un système de miroir le système de la compensation optique qu'on trouve avec le praxinoscope permet de pas arrêter la pellicule en cours de projection. Il y a un mouvement continu de la pellicule qui fait que on n'a pas cette obligation d'arrêter la pellicule et qui fait un frottement, qui fait une usure de la pellicule qui est dommageable. Donc les frères Lumière essayent de trouver un système avec une compensation optique qui permettrait d'éviter d'arrêter la pellicule en cours des films. Donc 3 films, 1 an, ça marche très bien. il réussit à changer ça au bout d'un an. Ça marche bien plus longtemps que ça. Oui, hein. mais le cinématographe, c'est 95, il y a déjà 3 ans. Comme tu disais, 1992, il commence, un an, et il est obligé de renouveler. C'est-à-dire qu'il a une obligation, il arrive à renouveler toujours tout seul, il travaille tout seul. Alors, sur les, il fait vraisemblablement les scénarios lui-même, aussi en s'inspirant vraisemblablement aussi des pantomimes de l'époque. Et... par contre, pour les peintures, faire les bandes, il fait les personnages et on va avoir une tante qui va participer aussi pour surligner certains éléments du personnage, rajouter quelque chose qu'on faisait sur les plaques de lanterne magique, de raturer, si on veut, de la peinture pour créer du relief, de la profondeur. Il y a aussi des éléments qui sont surlignés, les sourcils, des éléments pour amener du relief aussi. Et puis il y a aussi surtout les carrés de gélatine qui s'enchaînent sur toute la bande. On a le personnage qui est peint en transparence, dans la transparence de la gélatine, mais tout le contour du personnage qui est rendu opaque, de façon à ce qu'en fait il y ait que le personnage qui soit projeté sur l'écran. Et qui viennent en surimpression sur le décor qui est projeté par ailleurs et qui est fixe. Ok, très bien. Donc, c'est 3 ans pour continuer un petit peu. Donc, ça marche toujours bien, même quand le cinématographe des Frères Lumière arrive. Oui. Juste, si j'avais une question. Peut-être que je pourrais la dire après. Non, allez, maintenant. Il y a un film, c'est-à-dire que ça a été refait à une époque. Moi, je veux bien continuer quand même sur le cinématographe. Juste, il enchaîne en 94, il propose Autour d'une cabine et Le rêve au coin du feu. Le rêve au coin du feu qui est le dernier des dessins animés qui disparaît. Après l'arrivée du cinématographe, le musée Grévin va insister auprès de lui pour qu'il passe à l'animation, à la photographie animée. Donc là, il va inventer un appareil de prise de vue, il va faire des images photographiques instantanées animées, et il va les adapter aux bandes de théâtre optique, et il va les projeter, c'est les photos peintures animées. Je voulais insister là-dessus, parce que comme ce sont des bandes qui ont disparu, les gens se disent, Émile Reynaud n'a pas fait de photographie animée. C'est pas vrai, c'est d'accord. Pas le cas, il y avait 2 bandes et elles ont disparu. Voilà, maintenant sinon sur les reconstitutions. Non, mais c'est intéressant. C'est... Donc il fait ça et ça marche aussi, c'est-à-dire que les gens aussi sont intéressés parce que c'est un petit peu différent. C'est qu'ils étaient très intéressés. À ce moment-là, il va y avoir un petit peu un basculement dans son travail, puisque justement avec les dessins animés, il pouvait faire ses pauses, ses ralentis, ses accélérés, ses retours en arrière. Il pouvait jouer, vraiment faire une animation en direct. Avec les photopeintures, il est finalement contraint à un mouvement direct. Donc la projection se fait de façon mécanique. Et on sent qu'il n'y a plus le même intérêt sur ces bandes-là. Il met du temps avant de s'y mettre d'ailleurs sur ce travail-là. Alors qu'il faisait sur les dessins animés, il construisait ses scénarios, il construisait vraiment la mise en place de ses personnages et tout ça. Sur les photopeintures, il va faire appel à des mimes de l'époque qui faisaient déjà des spectacles, il filme des sketchs qui étaient déjà existants. Donc c'est Félix Galipo, qui est un grand comédien de cette époque, qui propose le premier cigare. C'est un potage qui fume son premier cigare et qui s'étouffe. Et puis les clowns Foutite et Chocolat qui font un sketch qui s'appelle Guillaume Tell. Et c'est aussi un sketch qu'il présentait déjà. Il y a une dernière bande avec les clowns Price qu'il va faire la prise de vue, mais ils ne seront jamais montés sur bande et jamais projetés au musée Grévin. Donc musée Grévin, ça dure jusqu'à quand avec jusqu'en cette bande-là 1900. Jusqu'en 1900. Jusqu'en 1900, donc pendant 8 ans. 8 ans à 6 heures par jour, non ? Si ? Des pauses, y avoir des moments où il va s'arrêter pour préparer ses nouvelles bandes, où il va se faire remplacer prendre le temps de le faire. Oui, quand même. Comment ça se... Après, on verra Émile Reynaud, ensuite 1900, qu'est-ce qui se passe ? Ça a moins de succès, c'est lui fatigue, il essaie de trouver autre chose. Comment ça se passe avec le cinématographe qui prend de plus en plus de place, évidemment ? Non, en fait, il est encore dans une dynamique pendant un moment, puisque encore dans le brevet de 1877 du praxinoscope, il prévoyait le développement de l'appareil à la stéréoscopie. Et donc il reprend ses praxinoscopes, il reprend le projet et il développe d'abord un appareil de prise prise de vue stéréoscopique, wow. et ensuite un praxinoscope stéréoscopique. On peut voir le prototype au musée des Arts et Métiers. C'est un espèce de double praxinoscope dans lequel on peut voir des photographies instantanées animées stéréoscopiques. Ah, intéressant. Donc déjà à l'époque. Donc et puis on voit l'appareil et on se dit ça aurait été bien d'avoir son arrière-grand-père filmé en stéréoscopie. Donc il y a quand même un moment donné où ça fonctionne un tout petit peu moins bien. Qu'est-ce qui se passe après? Pourquoi en tout cas au niveau de l'histoire, hein, je parle au niveau de l'histoire, c'est vrai qu'on connaît surtout pour ces, ce qui va être alors après, en fait, ce qui permettait surtout à Émile Reynaud de faire vivre sa famille et de continuer ses recherches, c'est les praxinoscopes, la vente des praxinoscopes qui a fonctionné très très fort pendant très longtemps et qui, à l'arrivée du nouveau siècle, décline. Et donc Émile Reynaud est obligé de fermer son atelier et de déménager. Donc il y a à ce moment-là une nécessité de s'installer dans plus petit et il va se débarrasser d'un certain nombre de choses. La dernière élan pour le stéréocinéma, donc le praxinoscope stéréoscopique, va pas trouver d'écho. Il va pas réussir à le commercialiser et à retrouver l'élan qu'il avait avec ses praxinoscopes. Donc y a une déception. Il y avait aussi avec cet dernier appareil le souhait de trouver la solution de la projection animée en relief. Et on mettra encore beaucoup de temps avant d'y arriver, et donc il n'y arrive pas déjà en 1908. Et c'est à ce moment-là qu'il va tout arrêter et faire autre chose. Donc il arrête d'un seul coup, il y a un dégoût, enfin il y a quelque chose qui fait qu'on n'y croit plus. Je sais pas, c'est difficile à savoir parce qu'il y a des faits qui ne sont pas encore effectivement datés. À quel moment il va quitter effectivement la rue Rodier, à quel moment il arrête la construction des praxinoscopes, tout ça, il y a des éléments qui ne sont pas tout à fait datés. Et même sur la destruction du théâtre optique et sur quand il jette les bandes de pantomime dans la Seine, toutes ces dates-là sont sur des témoignages, on n'a pas d'éléments concrets précis sur... A priori, donc, c'est vrai cette histoire ou qu'il jette autour tout, de 1910. Alors il faut savoir, d'abord il détruit l'appareil. Et c'est c'est peut-être à cause du déménagement et du fait qu'il n'a plus la place. Et ensuite il faut voir, donc ces bandes-là, elles ont tourné pendant 8 ans, pas toutes, mais elles ont tourné pendant un certain nombre quotidiennement, elles sont abîmées. Ouais. Il n'y a plus l'appareil pour faire la projection. En 1910, Émile Reynaud a déjà 60 ans. Donc... avoir l'énergie à 60 ans de reconstruire un appareil, de restaurer les bandes pour pouvoir refaire des projections, on peut comprendre que ce soit un petit peu qu'il n'ait pas eu ce courage-là. Oui, qu'il n'ait pas eu l'idée de se dire c'est une invention importante, je vais essayer de la mettre quelque part de manière à ce qu'on puisse historiquement, elle va être importante, il n'y a pas ça dans la tête. Il ne va pas y penser et ce qui est terrible, c'est que par contre Léon Gaumont va y penser, lui, il souhaite préparer un musée du cinéma et il vient voir Émile Reynaud pour lui racheter son théâtre optique deux jours après ou quelques jours après qu'il ait détruit son appareil. Donc pas de chance. Donc, pas de chance là. Coup de destin vraiment, pour qu'historiquement, malheureusement... On ait pu garder la trace de cet appareil-là. Et les deux bandes en fait qui vont être conservées, donc Pauvre Pierrot et Autour d'une cabine, sont, semble-t'il, conservées plus parce qu'il y a un lien affectif sur ces deux bandes-là. Qu'est-ce qu'on peut penser des restaurations qui ont été faites et qui sont super courtes quand on les voit? Donc là, elles font une minute, je crois, mais à peine une minute, non? Pauvre Pierrot, si je dis pas de bêtises, en tout cas. Qu'est-ce qu'on peut en penser? C'est intéressant parce que ça montre ce que ça pouvait donner au niveau de l'histoire, au niveau du mouvement. Mais c'est tout, puisque... Non, c'est très intéressant de voir comment les gens ont cherché, tout au cours du XXe siècle, à montrer ces pantomimes alors qu'il n'y a plus d'appareil. Ouais. Et là, on a pu voir hier soir, lors du vernissage, notamment un film de 1927 qui s'appelle « Histoire du cinéma par le cinéma » de Raoul Grimoin-Sanson, où on peut voir la première retranscription de Pauvre Pierrot sur une pellicule 35 mm, donc sur un format déjà cinématographique. D'accord. et c'est un transfert brut, c'est-à-dire il reprend les images de, les plaques de décor ont disparu, donc il y a juste les personnages qui s'enchaînent comme ça, toc toc toc sans nuance. Puisqu'en fait, on a dans l'idée que la bande de pantomime lumineuse est l'ancêtre, c'est l'ancêtre du cinéma, de la pellicule cinématographique, donc on l'a retranscrite telle qu'elle. Bien sûr, oui. Sans amener cette animation, cette nuance du manipulateur, cette interprétation. Et donc, en 1846, il y a le Naissance du cinéma de Roger Lénart qui est proposé, et dans lequel on voit courte séquence, un extrait de Autour d'une cabine, qui est fait. En fait, l'ensemble des dessins est complètement refait par Gabriel Aligné au studio Grimaud, au studio des Gémeaux. Ouais. Et l'intérêt de ces images-là, donc on n'a pas les images d'origine. C'est pas les images d'origine, c'est des dessins qui sont refaits. Mais on a quelqu'un qui est un vrai animateur derrière et qui va amener cette nuance, ce mouvement, ce charme. Et on va avoir ça aussi dans le film plus récent de Joël Farge, qui est un documentaire de 1946. Qui fait un documentaire sur Émile Reynaud et il intègre aussi un extrait de Autour d'une cabine. D'accord. Qui est réalisé au studio Cinémation de Manuel Otero. Et on a aussi des mouvements qui sont légèrement différents de ce que proposait Gabriel Aligné, mais qui amènent encore une nuance, une grâce, autre chose. Et c'est très intéressant de voir ces animateurs qui vont proposer des mouvements, puisqu'on ne sait pas. En fait, il n'y a qu'un seul mouvement dont on est sûr d'Émile Reynaud, mais sinon, sur l'ensemble des pantomimes, on ne sait pas exactement quels étaient les mouvements, les nuances qu'ils pouvaient amener. Et ces animateurs-là donnent des pistes. Mmh. Ou même quand on fait les projections avec le théâtre optique avec Rodolphe Cobeto-Caravane, on va faire des essais, on va tester des choses et on va pouvoir explorer. Donc ça, c'était intéressant. Après, il y a les adaptations de Julien Papé. Oui. Qui sont encore intéressantes. Le travail de Julien Papé est très important puisqu'il va faire d'abord des bandes pour faire des projections avec des théâtres optiques. Donc ça, c'est essentiel parce que c'est vraiment le seul moyen de vraiment retrouver l'âme des projections du musée Grévin. Et ensuite, il va faire le transfert en 35 mm. De manière à pouvoir les diffuser très largement. Et il part de la musique. Ça, c'est un des premiers en fait qui va travailler d'abord sur la musique et essayer de ramener le mouvement à la musique. J'ai perdu le fil de mon idée. On était sur Julien Papé, le fait de pouvoir de retravailler, qui travaille sur la musique directement. Le seul souci sur ces images-là, c'est que généralement elles sont diffusées en tant que pantomime lumineuse d'Émile Reynaud. Alors qu'en fait, évidemment, c'est une retraduction, quelque part, une retranscription. Voilà, je ne sais pas. Auteur. C'est très difficile de trouver une réinterprétation. Une interprétation des pantomimes lumineuses qui est très intéressante, qui amène aussi des pistes de mouvement, des pistes de recherche. Mais ce n'est pas les pantomimes d'Émile Reynaud. Alors, j'espère bien que ça vous a donné envie. En tout cas, c'est assez passionnant de parler enfin d'Émile Reynaud, je trouve, un petit peu plus en détail. L'expo est donc à la mairie du 9e jusqu'à 31 octobre, donc il faut se dépêcher, ça reste pas beaucoup de temps. C'est assez court. C'est ouvert quasiment tous les jours, non, sauf le dimanche. Sauf le dimanche, il faut regarder les détails des horaires sur le site de la fête du cinéma d'animation. Voilà. Ben, merci beaucoup. Voilà. Et puis j'espère donc que dans quelques années, Christelle viendra nous revoir pour un livre et on essaiera de compléter ce qu'on n'a pas réussi à dire aujourd'hui et surtout les pistes qui restent encore un peu floues et qu'on découvrira. Alors évidemment, Nicolas, je vais dire en direct ce qu'on écoute. On écoute la première piste, toujours sur le même disque. Aujourd'hui, j'ai fait très simple, donc toujours Take Shelter. Et là, on va écouter un peu de chant aussi. C'est la chanson qui arrive en fait au générique, à la fin. Ça va me faire du bien aussi de me taire deux secondes. On écoute, merci. Voilà. Still so far home.